Chapitre 4e, le collège. Nous revînmes au commencement d'octobre. Mais un événement bien pénible pour moi marqua ce retour. On me mit au collège. Comme externe, bien entendu. Et encore, allait-il sans dire que je serais toujours conduit et ramené par crainte des mauvaises fréquentations. Mon temps d'études universitaires devait se réduire à 4 années de l'externat le plus libre et le plus fantaisiste. Mais c'est égal. À partir de cette date fatale, mon histoire se gâte beaucoup. La rentrée était à 2 heures de l'après-midi, et par une de ces délicieuses journées d'octobre, chaudes, tranquillement ensoleillées, qui sont comme un adieu très mélancolique de l'été. Il eût fait si beau, hélas, là-bas, sur les montagnes, dans les bois effeuillés, dans les vignes roussies. Les semaines qui suivirent furent affreusement pénibles. Quand on est enfant, l'approche d'un hiver amène des impressions irraisonnées de fin de toute chose, de mort par le sombre et par le froid. Les durées semblent si longues à cet âge qu'on n'entrevoit même pas le renouveau d'après qui ramènera tout. Cependant, le printemps revint encore. Le printemps, le printemps. Sur les murs de ma cour, les rosiers blancs étaient fleuris, les jasmins étaient fleuris, les chèvrefeuilles retombaient en longues guirlandes, délicieusement odorantes. Je recommençais à vivre du matin au soir dans l'intimité des plantes et des vieilles pierres, écoutant le jet d'eau bruire à l'ombre du grand prunier, examinant les graminées et les mousses des bois égarées sur les bords de mon bassin, et du côté ardent où donnait tout le jour le soleil, comptant les boutons des cactus. Les départs du mercredi soir pour la Limoise étaient ainsi recommencés, et j'en rêvais, cela va sans dire, d'une semaine à l'autre, au grand détriment des leçons et des devoirs. Ma chambre, où je ne m'installais plus jamais pour travailler, où je n'entrais plus guère que le soir pour dormir, redevint pendant ce beau mois de juin mon lieu de délices, après le dîner, par les longs crépuscules tièdes et charmants. C'est que j'avais inventé un jeu, un perfectionnement du rat en guenille, que les gamins vulgaires font courir au bout d'une ficelle le soir dans les jambes des passants. Et cela m'amusait, mais d'une façon inouïe, sans lassitude possible. Cela m'amuserait encore autant si j'osais, et je souhaite que mon invention soit limitée par tous les petits auxquels on aura l'imprudence de laisser lire ce chapitre. Voici. De l'autre côté de la rue, juste en face de ma fenêtre et au premier étage aussi, demeurait une bonne vieille fille appelée Mademoiselle Victoire, avec de grands bonnets à ruches du temps passé et des lunettes rondes. J'avais obtenu d'elle l'autorisation de fixer à l'arrêtoire de son contrevent une ficelle qui traversait la rue et venait chez moi s'enrouler en pelote sur un bâton. Le soir, dès que le jour baissait, un oiseau de ma fabrication, espèce de corbeau saugrenu charpenté en fil de fer avec des ailes de soie noire, sortait sournoisement d'entre mes persiennes, aussitôt refermées, et descendait, d'une allure drôle, se poser au milieu de la rue sur les pavés. Un anneau auquel il était suspendu pouvait courir librement le long de la ficelle, devenu invisible au crépuscule, et tout le temps je le faisais sautiller par terre dans une agitation comique. Et quand les passants se baissaient pour regarder quelle était cette invraisemblable bête qui se trémoussait tant, crac, je tirais bien fort le bougardet dans ma main. L'oiseau leur remontait très haut en l'air après leur avoir sauté au nez. Oh, derrière mes persiennes, me suis-je amusé, ces beaux soirs-là, et je ris tout seul, des cris, des effarements, des réflexions, des conjectures. Ce qui m'étonne, c'est qu'après le premier moment de frayeur, les gens prenaient le parti de rire autant que moi. Il est vrai, la plupart étaient des voisins qui devinaient de qui cette mystification devait leur venir, et j'étais aimé dans mon quartier en ce temps-là. Ou bien c'étaient les matelots, passant de bonne composition, qui se montrent en général indulgents aux enfantillages et pour cause. Mais ce qui restera pour moi incompréhensible, c'est que dans ma famille, où on pêchait plutôt par excès de réserve, on n'ait pu fermer les yeux là-dessus, tolérer même tacitement ce jeu pendant tout un printemps. Je ne me suis jamais expliqué ce manque de correction, et les années, au lieu de m'éclaircir ce mystère, n'ont fait que me le rendre plus surprenant encore. Cet oiseau noir est naturellement devenu une de mes nombreuses reliques. De loin en loin, tous les 2 ou 3 ans, je le regarde, un peu mité, mais me rappelant toujours les belles soirées des mois de juin disparus, les griseries délicieuses des anciens printemps.